Le parfum du pain. Main, bain, lundi, plein, le parfum du pain. Virlangue. Des blancs pains, des bains pains, des bains pleins. Répétez. Tout est plein. J'ai faim. Lundi matin. C'est loin. Attention. Faim. Fond. Frein. Franc. Plein. Plan. Répétez. Faim. Fond. Frein. Franc, plein, plan. Répétez. Ils prennent le train lundi prochain. Le musicien joue avec ses mains. Le petit pingouin a faim. Il prend son bain le matin. À bientôt.